il y a un petit machin, un petit segment. Thank you. de tristesse, chanter des malheurs qu'on oublie, des ombres un peu noircies, des ombres un peu noircies. Mon ange, je t'ai haï, je t'ai laissé aimer. Oui, d'autres que moi, un peu plus loin d'ici. Allez. Cécile. Thank you. carré, putain. J'suis pas parti loin. Attends, j'suis pas parti loin, putain. Je vais essayer de le remettre comme il faut, la batterie, là. Eh merde. Oh, c'est chiant ce truc. C'est quoi ? Un téléphone, ça ? Vas-y, rejoue. J'essaie de suivre Philippe, hein. Je sais pas si j'ai pas trouvé les notes. Thank you. un P. Thank you.

m'assister, me donner la vie. Thank you. Today, and the child don't come up to play.